Monsieur X me l'avait promis il y a quelques semaines et il a tenu parole. Il m'a enfin raconté cette extravagante affaire du complot du plan bleu. Extravagante parce qu'elle est un savant mélange de mensonges et de vérités, de fantasmes et de réelles menaces. Extravagante parce qu'elle a rassemblé de vrais escrocs, d'authentiques surluberlus et des comploteurs qui représentaient un danger certain pour les institutions et la République. Nous sommes en 1947, une année décidément très agitée. 1947, l'année du départ des ministres communistes du gouvernement, l'année de la création du RPF gaulliste, l'année des grandes grèves sur fond de guerre froide. Et c'est aussi en 1947 que la police démantèle le réseau des couvents, une organisation destinée à héberger ou faire évader les anciens collaborateurs. Monsieur X m'en a longuement parlé il y a peu de temps. Alors, le plan bleu, de quoi s'agit-il? Il faut d'abord dire que cet immédiat après-guerre est propice aux amateurs de complots. La France, déchirée par la guerre, est encore loin d'être réconciliée. L'épuration a été parfois brutale, mais encore plus souvent incomplète et partisane. Rancœur, esprit de vengeance, nourrissent les colonnes des nombreux journaux issus de la résistance, d'autant que le nouveau régime, dirigé par une coalition hétéroclite, est encore fragile. Alors oui, c'est vrai, on complote ou on fait semblant. Un journaliste de l'intransigeant, Jean Balinzi, ne recense pas moins de 4 maquis, un réel kaléidoscope. Il y aurait d'abord le maquis noir, qui rassemble des nostalgiques de Vichy, d'anciens SS français et des rescapés de la cagoule. Ensuite, le journaliste évoque un maquis blanc où seraient regroupés des gaullistes, des républicains populaires et des catholiques. Puis, il existerait un maquis rouge, le plus nombreux, le plus puissant, puisqu'il puiserait dans le vivier du Parti communiste, le parti politique français le plus important de l'époque. Noir, blanc, rouge, il manque le bleu. Nationaliste, mais antifasciste. Patriotique, et donc très anticommuniste. Bleu, comme le plan de la même couleur. Cette fois, nous y sommes. Dans un instant, Monsieur X nous révèle les secrets du plan bleu. Je ne chercherai plus ma route, ces chemins creusés par le doute. La terre n'en sera pas plus loin, ni plus à portée de la main. J'en aurai fait de ces détours, tant de bonheur tourne court. Et peu importe la distance entre la joie et la souffrance, ce sera ma liberté contre la tienne. Qui nous retient, nos cœurs ne seront plus si lourds d'avoir emporté trop d'amour. Ma liberté contre la tienne, la volonté d'où qu'elle me vienne, partir découvrir avec toi de nos combats. Je serai peut-être moins forte, partage, jusqu'à trouver sous une pierre une petite chance pour l'univers. Ce sera ma liberté contre la tienne. Vérité qui nous retienne. Nos cœurs ne seront plus si lourds d'avoir emporté trop d'amour. Ma liberté contre la tienne. La volonté d'où qu'elle me vienne. Partir découvrir avec toi l'utilité de nos combats. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je vais vous faire un aveu. Même pour une fois, allez-y, je vous écoute. Ouais, j'ai suivi particulièrement cette affaire du complot du plan bleu. Et il y a une raison Bon, disons que les besoins du service ont fait que j'ai dû fréquenter de très près quelques-uns des protagonistes de cette histoire. Oui, mais fréquenter de très près, ça veut dire quoi exactement pour vous Vous tenez vraiment à le savoir Je crois qu'il vous est maintenant difficile de reculer. On m'a demandé d'infiltrer cette organisation. Et pourquoi vous, alors ? Mais parce qu'il y avait dans ce complot des gens que j'avais très bien connus dans la Résistance. Et on a pensé que j'étais le mieux à même de les approcher et d'essayer de savoir ce qu'ils magouillaient. Ça vous va comme explication ? Oui et non. Allez, au fond, donc, vous avez fait l'espion, quoi. Et pourquoi pas ? Démasquer les espions ou jouer les espions sont les deux faces de la même médaille, non ? Moralement, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, hein. Que ces gens que vous aviez connus, vous les avez trahis quand même. Là, je vous en prie, pas de grands mots. Quand il s'agit du service de l'État, il faut parfois accepter de se salir les mains. Ouais, pour la bonne cause. Appelez ça comme vous voulez, ça ne me gêne pas. En tout cas, cette aventure n'a pas été forcément plaisante. Et pourquoi ? Parce qu'elle m'a conduit en prison. Ah ! Et depuis le temps que vous m'en parlez, alors c'était donc à l'occasion de cette affaire du complot du plan bleu ? Oui, j'ai été obligé de jouer mon rôle jusqu'au bout. C'est-à-dire de passer réellement, vous aussi, pour un comploteur. C'était une question de crédibilité. Si je voulais vraiment comprendre ce qui se cachait derrière cette conspiration, il fallait que je partage aussi le sort de mes compagnons d'infortune. Et puis, vous le savez bien, en prison, on se confie volontiers entre co-détenus. Vous avez été incarcéré longtemps ? Non, tout juste quelques semaines, mais j'ai beaucoup appris en prison. C'est-à-dire ? Eh bien d'abord, j'ai découvert pour la première fois de ma vie l'existence carcérale. C'est une expérience riche d'enseignement, même si elle est excessivement pénible. En outre, c'est vrai, j'ai constaté qu'on parlait beaucoup en prison. Et j'ai ainsi pu démêler les fils de cette histoire particulièrement compliquée et tortueuse. Mmh. Alors d'accord, allons-y. Ça a commencé d'une façon tout à fait étrange. Un jour, un journaliste qui avait été l'un de nos camarades de combat est venu nous livrer une information très étonnante. Il avait appris qu'un commando avait l'intention d'assassiner un juge d'instruction de Vannes. Pour quelle raison ? Ce magistrat était chargé d'un dossier très embarrassant, l'assassinat et le viol d'une femme soupçonnée de collaboration. Une affaire horrible, puisque l'enfant de cette femme a été également tué. Et le ou les meurtriers ? Vous avez raison d'employer le pluriel. Ils étaient plusieurs. Mais le principal accusé était un authentique résistant, un type très connu en Bretagne. Et lorsque le juge d'instruction l'a mis en détention, ça a provoqué une véritable levée de bouclier, d'autant que ce résistant a dit qu'il avait agi sur ordre et demandé sa comparution devant un tribunal militaire. J'imagine qu'en ces temps-là, il devait exister malheureusement pas mal de dossiers semblables. Bien sûr, mais ce qui posait problème, c'était l'éventuelle existence d'un commando chargé d'exécuter le juge. Un commando, ça veut dire une organisation. Et quand on a commencé à y voir de plus près, on s'est rapidement aperçu qu'il y avait derrière une affaire beaucoup plus importante, et ce qui apparaissait comme un véritable complot contre la République. Et vous, c'est là que vous intervenez ? Assez vite, oui. L'affaire a été officiellement confiée aux renseignements généraux, mais moi, comme je vous l'ai dit, j'ai été chargé d'une mission beaucoup plus confidentielle. Cette mission d'infiltration. Oui, j'avais appris, mais je n'y avais pas prêté une grande attention à l'époque, que certains nostalgiques de l'ordre ancien se réunissaient régulièrement dans le salon d'une vieille dame très digne, une aristocrate dont je tairai le nom, paix à sa mémoire. Appelons-la, si vous voulez, Madame II. Quand vous dites nostalgique de l'ordre ancien, vous voulez parler de Vichy ? Non. Madame II, mais aussi ses amis, en étaient restés à la monarchie. Pour tout dire, d'après ce que je savais, il ne me semblait guère dangereux. Oui, les rêveurs, quoi. À peu près. On y trouvait ce qu'on trouve habituellement dans ce genre de cénacle. Quelques vieilles culottes de peau, des lecteurs de Maurras et d'Audet et deux ou trois snobinards qui n'ont imaginé que ce seul moyen de paraître originaux. Rien de bien méchant. En tout cas, jusque-là, rien qui justifiait votre curiosité. Exactement. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'un type que je connaissais très bien assistait aux réunions de ces passéistes. Mais qui, celui-là ? Une sorte d'aventurier, un type qui n'avait pas froid aux yeux, qui avait donné des coups de main sérieux à la résistance, mais qui n'était pas toujours très scrupuleux sur les moyens utilisés. Et c'était un de vos amis ? Ami ? Le mot est peut-être un peu fort. Mais c'est vrai que j'avais une sorte d'estime pour le bonhomme. En tout cas, la personnalité de ce type, qu'on appellera Francis, ne collait absolument pas avec celle des gens qui fréquentaient le salon de Madame II. J'ajoute que j'ai bénéficié aussi d'un autre tuyau. Lequel ? Un aristocrate breton, le comte de Vulpian, faisait aussi partie de ce cénacle. Or, d'après les informations recueillies en Bretagne, cet aristocrate aurait pu être mêlé à l'affaire du commando chargé d'éliminer le juge d'instruction de Vannes. Ah, l'affaire devient donc beaucoup plus intéressante. Oui, et grâce à Francis, j'ai pu pénétrer peu à peu les rouages de la conspiration et comprendre qu'il s'agissait peut-être d'une réelle tentative de l'extrême droite pour mettre à bas la 4e République. Une extrême droite qui relevait très vite la tête malgré la défaite du pétainisme. Dans le livre de Paul-Marie de la Gorce, L'après-guerre, publié en 1978 chez Grasset, on trouve ces précisions sur la renaissance de la droite extrême. On en vit les premiers signes dans une presse, d'abord clandestine, puis ouvertement distribuée. En 1946, c'était déjà Le combattant européen, titre de l'ancien organe de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui combattit en Russie. Ses rédacteurs étaient Binet, qui signe habituellement René Vinet, et Marc Augier, qui prendra le pseudonyme de Saint-Loup. C'est aussi Drapeau noir, qui n'eut que 3 numéros, et s'adressait aux anciens Waffen-SS français. Et surtout, La dernière lanterne, au ton très virulent, et L'indépendance française. Paul-Marie de la Gorce signale enfin qu'en ces années-là, on vit fleurir beaucoup d'organisations d'extrême droite. Le Parti républicain d'unité populaire, le Mouvement socialiste d'unité française, les Forces françaises révolutionnaires ou encore le Parti national français, où signe déjà Jacques Sidos, dont le père a été fusillé à la Libération, Sidos qui fondera plus tard Jeune Nation. J'ajoute que dans les services, nous n'étions quand même pas naïfs. Nous savions par exemple qu'il existait une structure qui s'appelait le MAC, le Mouvement Anticommuniste. Cette organisation recrutait essentiellement chez les anciens combattants. Avec quels arguments ? Oh, les plus simples. Ces gens-là prétendaient que les FTP, où se trouvaient beaucoup de communistes, n'avaient pas rendu toutes leurs armes et qu'ils préparaient un coup d'état militaire visant à faire de la France un satellite de Moscou. Fantasme ou réalité ? Dans ces années d'après-guerre, rien n'était simple. Il est vrai que tous les communistes n'avaient pas rendu leurs armes, comme De Gaulle le leur avait demandé. Mais existait-il réellement un danger communiste ? Je ne le crois pas. En tout cas, la réponse ne se trouvait pas à Paris, mais à Moscou. Moscou, où Staline avait d'ailleurs d'autres chats à fouetter. Oui, la mise au pas des futures démocraties populaires. Naturellement, puis il y avait les Américains qui n'auraient jamais accepté l'installation en France d'un régime communiste. Par conséquent, les gens sérieux ne croyaient pas beaucoup à une prise du pouvoir par les Soviétiques. Mais il n'empêche qu'on en parlait à longueur de colonne dans les journaux de droite et que certains avaient manifestement intérêt à exagérer cette supposée menace. Oui, les gens de droite, j'imagine. Oui. Ouais. Et le RPF qui venait de se créer et qui voyait dans l'anticommuniste un puissant facteur de rassemblement. Mais il y avait aussi les Américains qui finançaient sans barguigner tout ce qui portait une étiquette anticommuniste. Mais revenons là aux anciens combattants qui étaient recrutés par ce MAC, là, le mouvement anticommuniste. Un homme semblait jouer un rôle dans cette campagne de recrutement, un homme qui était à la tête de l'ARC, une association d'anciens combattants. Et cet homme, figurez-vous, n'était autre que le comte de Vulpian. Étrange, non ? L'association d'anciens combattants présidée par le comte de Vulpian avait ses locaux avenue de l'Opéra. Détail intéressant souligné par Roger Faligot et Pascal Krop dans leur livre « La piscine », à la même adresse se trouve aussi domicilié un curieux comité d'études économiques et syndicales contrôlé par un Américain, Irving Brown, qui représente en France les syndicats d'outre-Atlantique et qui est en réalité chargé par la CIA de dispenser des fonds aux organisations anticommunistes. Une coïncidence troublante. Mais M. X m'a déjà dit que les Américains s'intéressaient alors à tous les mouvements qui faisaient profession de foi d'anticommunisme. Vous savez donc vous vous intéressez particulièrement à ce comte de Vulpian. Oui, mais sans lâcher de l'œil, mon ami Francis, qui lui, j'en suis persuadé, se moque de l'anticommuniste comme de sa première chemise. Ça veut dire que s'il se trouve mêlé à ces comploteurs, c'est qu'il y a un intérêt personnel. Mais pourquoi, comment, ça, je ne le sais pas encore. Alors, Vulpian. Attendez encore une minute. Grâce à Francis, qui ne manquait jamais une réunion chez Madame Deux, j'ai appris que du beau monde fréquentait son salon. Ah oui, du beau monde, c'est-à-dire... Eh bien, on y avait vu, par exemple, un inspecteur général de la gendarmerie, un officier qui avait le rang de général, ce qui n'est pas si fréquent que cela dans la gendarmerie. Mmh. Et puis dans ce petit cercle, il y avait aussi d'autres généraux de l'armée. Et paraît-il un personnage assez célèbre dont je vous ai déjà parlé. Ah, qui alors ? Loustono Lacco. Ah, je me souviens, vous avez évoqué ce personnage quand vous m'avez parlé de... L'accession au pouvoir du maréchal Pétain, hein, c'est ça. C'est tout à fait juste, c'est ça. Oui. Loustono Lacco appartenait au cabinet militaire du maréchal. C'était même devenu l'une de ses plumes quand le général de Gaulle avait rendu son tablier de nègre. Loustono Lacco, ce n'est pas faire injure à sa mémoire, était un comploteur né. Cagoulard avant-guerre, résistant courageux pendant la guerre, membre des services spéciaux. Ce colonel était toujours prêt à s'engager pour la bonne cause. La bonne cause Sa bonne cause à lui. Ah bon? C'est-à-dire l'instauration d'un régime de droite pur et dur. En tout cas, tous ces noms, tous ces individus, qu'ils aient ou non une participation active dans le complot, ça me renforçait dans mon idée que c'était du sérieux. Alors Vulpian, vous me demandiez, naturellement, si je voulais continuer à être opérationnel, je ne pouvais pas intervenir moi-même. J'ai donc fait passer tous mes tuyaux, renseignements généraux, via mes supérieurs, et j'ai observé de loin. Mmh. Et que s'est-il passé exactement, alors ? Un beau matin du début du mois de juillet 1947... Plusieurs dizaines de policiers bien armés, dirigés par le commissaire Antonini, ont fait irruption au château de Lamballe, là où demeurait le comte de Vulpian. S'ils étaient aussi nombreux, c'est qu'ils craignaient quelque chose. On ne sait jamais, non. Mmh. Quand il s'agit d'appréhender les comploteurs, on prend ses précautions. Mais en fait, dans ce cas-là, elles ont été inutiles, car le comte était seul dans son château avec son épouse. Mmh. Et le résultat de cette opération, là ? Bien, les policiers perquisitionnent, fouillent partout. Et classiquement, en soulevant un portrait de famille, un inspecteur met au jour un épais dossier sur lequel on lit « Plan bleu ». Le poteau rose est découvert. Vulpian, à vous ? S'il lui est difficile de nier. Et très vite, il parle et met en cause les autres conspirateurs, dont entre autres ce général de gendarmerie dont je vous ai parlé, et le colonel Loustono Lacco. J'ajoute qu'on trouve aussi quelques armes, mais c'est la lecture des documents qui est la plus instructive. Un ancien haut fonctionnaire de la police a publié, sous le pseudonyme de Jacques Lantier, un livre de réflexion et de révélation en 1970 chez Fayard, Le temps des policiers. Peut-être même s'agit-il de ce commissaire Antonini qui a dirigé la perquisition chez le comte de Vulpian. Quoi qu'il en soit, cet auteur donne la liste en quatre points des objectifs des comploteurs tels qu'elle a été découverte au château de Lamballe. Premièrement, créer un climat de trouble, susciter des scandales, exploiter le mécontentement, commettre des agressions ou des sabotages en laissant supposer qu'ils sont le fait des communistes. Faire croire que les services secrets américains ont été renseignés sur des projets communistes visant à la grève générale, à la prise du pouvoir par la force, à l'assassinat de personnalités politiques, dont le général de Gaulle. Deuxièmement, faire circuler des tracts portant copies supposées d'instructions secrètes du Parti communiste visant les modalités de l'action insurrectionnelle pour s'emparer du pouvoir, faire parvenir aux services secrets anglais et américains des renseignements en ce sens en les étayant sur des détails parfaitement vérifiables. Troisièmement, provoquer le déclenchement d'une émeute armée dans le but d'amener le Parti communiste à mettre au combat ses forces d'autodéfense, obliger ainsi les mouvements, partis et organisations anticommunistes à se mêler au combat et à entrer dans la guerre civile. Quatrièmement, profiter de la confusion pour s'emparer des leviers de commande des forces anticommunistes et prendre le pouvoir. Immédiatement après cette perquisition et l'arrestation du comte de Vulpian, le gouvernement et surtout le ministre de l'Intérieur, le socialiste Édouard Depreux, prennent l'affaire très au sérieux. Et la justice est priée de faire fi ça et de procéder au plus vite à l'arrestation de tous les comploteurs. L'affaire est donc rendue publique. Oui, très vite. Depreux lui-même annonce que le but des conjurés était de déclencher une guerre civile. Cela aura commencé par l'attaque de la prison de Vannes, là où était détenu ce résistant accusé d'assassinat et de viol. Ensuite, des troupes blindées se seraient mises en marche en direction de la capitale. Et tout ça, là, ce que vous me racontez, ça a été trouvé dans le dossier du plan bleu à Lamballe. Oui, oui, oui. On y a découvert des ordres de marche, des plans de bataille, des affiches et même un projet d'acte constitutionnel. Ouais, alors donc, le gouvernement a tout lieu de prendre les choses avec fermeté. Oui, en donnant le maximum de publicité à l'affaire. Le plan bleu fait la une de tous les journaux, de droite comme de gauche. C'est une affaire qui arrange politiquement le pouvoir. Naturellement, au moment où il va engager le fer avec le Parti communiste français, il montre qu'il est aussi capable de frapper à l'extérieur. Oui, un coup à gauche, un coup à droite. Oui, et puis, dans les comploteurs présumés, il y a des gens qui penchent plutôt du côté du RPF. Après tout, c'est de bonne guerre, mais je voudrais ajouter quelque chose. Je vous écoute. D'après ce qu'on apprend dans les journaux. Et qui n'est toujours pas la vérité, c'est ça. C'est bien ça. Donc, d'après la presse, les conjurés avaient imaginé faire précéder leur putsch d'une campagne de manipulation assez habile. Dites. Eh bien, il s'agissait de provoquer dans la population un mouvement de panique. Mais de quelle façon ? Des banques auraient été dévalisées, des fermes incendiées, des sabotages effectués dans les usines. Autant de méfaits attribués aux communistes et montrant à l'évidence que le parti allait passer à l'action. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passera. Mais curieusement, après l'arrestation des comploteurs. Après ? Attendez, c'est bizarre ça. Vous avez une explication ? Ben, dans toutes les guerres, il y a des soldats perdus. Et ce seraient ces soldats perdus là, qui auraient mis le feu à des fermes, provoqué des sabotages ? Vraisemblablement. On va en parler pendant tout cet été 1947. Un peu partout en France, on va signaler de mystérieux incendies. Et entre parenthèses, ça permettra aux communistes de répéter inlassablement que les comploteurs du plan bleu n'ont pas tous été arrêtés et que le danger fasciste subsiste donc. Ouais. Et si j'applique votre adage favori, là, chercher à qui profite le crime ? Non, n'exagérons quand même pas, mais nous en parlerons. Bon. Revenons un peu en arrière. Après la découverte des documents du plan bleu et les aveux de Vulpian, je pense qu'il y a des arrestations. Bien sûr. Et les gens dont je vous ai parlé, Loustonneau, Lacot, le général de gendarmerie, et beaucoup d'autres encore, sont mis au trou. Et vous aussi, donc. Et moi aussi, en raison des contacts que j'entretenais, en particulier avec celui que j'ai appelé Francis. Mais il y a aussi quelques gros poissons très intéressants dans cette pêche miraculeuse. Je ne vous en donnerai que deux. Henri Soutif, ancien commissaire des renseignements généraux sous Vichy, responsable de l'arrestation de nombreux résistants, est passé à temps du côté des vainqueurs en rejoignant les services spéciaux. Un ralliement opportun. Tout à fait, c'est Soutif qui se faisait alors appeler Simonin qui arrêtera l'abominable docteur Petiot, qui lui aussi avait revêtu l'uniforme des vainqueurs. L'autre gros poisson n'est autre que Paul Touvier, le milicien de sinistre mémoire. Est-ce qu'il en était lui aussi ? En tout cas, il n'en était pas très loin. Mais vous m'avez dit assez récemment qu'il avait réussi à s'évader du ministère de l'Intérieur au cours d'un interrogatoire. Une évasion cousue de fil blanc. En fait, on avait besoin de Touvier, et c'est là que se trouve la vérité. Ouais. On avait besoin de lui, pourquoi ? Besoin pour ce qu'il savait le mieux faire, c'est-à-dire surveiller, dénoncer, espionner. Pardonnez-moi, ça c'est pas très clair quand même. Touvier est arrêté juste au moment où les services, avec l'aide des Américains, commencent à mettre en place en France, mais aussi dans toute l'Europe, les fameux réseaux Gladio. Ah oui, les réseaux anticommunistes. Susceptibles de résister, hein. Oui. Qui était donc susceptible de résister à une offensive des troupes de l'Est. Il était difficile de faire appel aux anciens résistants, où se trouvaient justement pas mal de communistes. Par conséquent, on a recruté chez les anticommunistes. Et Touvier, là, il avait le profil parfait. Et vous avez compris, c'est ce qui explique sa fausse évasion. Vous voyez bien qu'à l'époque, on n'avait pas peur de se salir les mains. Oui, d'accord, mais... Alors vous, en prison, qu'apprenez-vous exactement ? Ce que j'apprends. Mais la vérité sur le plan bleu. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Et ça vous fait rire ? Naturellement, parce que l'affaire est farce, je vous le jure. We'll be right back. Vous l'avez deviné, Monsieur X, en prison, va découvrir que le complot du plan bleu n'était peut-être pas aussi sérieux qu'il y paraissait. Et avant d'écouter la dernière partie de l'entretien qu'il m'a accordé, je ne résiste pas au plaisir de vous citer ces quelques lignes extraites d'un billet intitulé « Le Vulpian » et publié par Le Monde du 3 juillet 1947 sous la signature de Gabriel Deure. On sait que les monstres du type serpent de mer se développent surtout dans la saison d'été où la chaleur les fait éclore. On sait aussi que les pouvoirs publics organisent volontiers la chasse à ce genre d'animaux pendant les périodes de difficultés politiques afin d'amuser l'opinion. Il n'en faut pas davantage pour expliquer la récente découverte du vulpian. Plus loin, le billettiste ajoute avec humour « D'un côté, il est certain que le développement inconsidéré du vulpian ferait courir de graves risques à la tranquillité publique, mais d'autre part, son extinction définitive serait fâcheuse dans la mesure même où sa chasse est une distraction saine et politiquement utile. » Bah, expliquez-moi donc ce qu'il y avait de si drôle dans vos découvertes là. Ce complot n'en était pas un ? Non, je ne dis pas ça. Il y avait vraiment un complot et vraiment des comploteurs. Et d'ailleurs, pas toujours ceux qu'on pensait. Attends, c'est-à-dire ? Eh bien, on a prononcé des noms, beaucoup de noms. Ouais, vous-même, vous avez donné des noms. Bien sûr. Mais tous n'en étaient pas. Même ceux qu'on achetait momentanément en prison. Comprenez, il ne suffisait pas d'être allé un jour boire le thé chez Madame Deux pour faire de vous un conspirateur. Tenez par exemple, ce brave général de gendarmerie. Lui, s'il avait honoré de sa présence le salon de Madame Deux, c'était pour s'enseigner. Mais se renseigner sur quoi ? Sur le complot. Un général ? Bon, d'accord, vous aussi, vous trouvez ça bizarre. Mais c'est ce que ce général a dit, et tout le monde l'a cru, puisqu'il a été mis ensuite hors de cause. Bon. Enfin, ne nous égarons pas. Hein. Vous m'avez dit qu'il y avait quand même de vrais comploteurs. Oui, des types qui ne rêvaient que d'une chose, abattre la gueuse, comme on disait chez ces gens-là. La gueuse, c'est-à-dire la République. Et parmi ceux-là, il y avait quelques personnages dangereux, des extrémistes qui rêvaient d'installer en France un régime semblable à celui de Franco ou de Salazar. Ouais, retour à Vichy, en somme. Exactement. Mais les autres, ceux qui tournaient autour, qui établissaient plan sur plan, qui leur laissaient entendre que l'armée tout entière allait basculer, bref, que le pouvoir était à portée de main, tout cela, c'était pour parler crûment des faisans. Des faisans, des personnages malhonnêtes, vous voulez dire ? Naturellement. Et parmi eux, votre prétendu ami Francis. Mais je vous ai dit aussi que dès le départ, j'avais trouvé sa présence suspecte. Que venait-il faire au milieu de ces badernes ou de ces dinosaures ? Lui qui n'avait aucune conscience politique et qui n'était guidé que par le sens de ses intérêts. Eh bien, j'ai enfin compris. À quoi alors ? Derrière ce complot fumeux, il y avait une vraie entreprise d'escroquerie. Mais qui s'agissait-il d'escroquer ? Je vous raconte. Un complot, ça coûte cher, très cher. Oui, donc bons hommes... Bon... On faire la manche là, pour récolter de l'argent destiné en principe au grand soir. C'est simpliste, mais c'est à peu près ça. Ces escrocs avaient reniflé la bonne affaire. Ils avaient noté qu'il existait beaucoup de revanchards, des gens qui n'avaient toujours pas admis d'avoir été dépossédés de leur chère révolution nationale. Ouais, des nostalgiques de Pétain. Voilà, et des technocrates, ceux qu'on avait aussi trouvés dans la cagoule. Vichy avait été pour eux un formidable champ d'expérience. Et d'ailleurs, il en restera quelque chose même après la libération. D'autre part, il y avait les extrémistes de droite, de toujours et encore, ceux qui, tout en n'étant pas des fascistes, étaient obsédés par le danger communiste. Ça, c'est du monde. Mmh. Et ces pseudo-comploteurs, là, ont eu l'idée de les fédérer. Et de faire marcher la pompe à fric. Ah, oui. Pardonnez-moi cette vulgarité, mais c'était ça. Au nom de l'anticommunisme, c'est fou ce qu'on pouvait ramasser comme argent. Oui, mais il fallait quand même présenter des garanties, argumenter, je sais pas moi, fournir un dossier sérieux, apporter la preuve qu'il y avait vraiment un danger communiste et que la prise du pouvoir était possible. Oui, vous avez parfaitement raison, et c'est ce que ces escrocs ont minutieusement préparé. D'abord, ils ont recruté quelques potiches. Madame Deux ou le comte de Vulpian. Par exemple, Vulpian, c'était l'homme idéal. À la tête de son organisation d'anciens combattants, il paraissait solide, influent, et puis on laissait entendre que toute une brochette de généraux, tous plus décorés les uns que les autres, avaient été contactés. Tous en étaient, tous allaient marcher. Et on citait des noms. Bien sûr. Koenig, Bétoire, Larmina, la crème de l'armée en somme. Mais ces officiers devaient rester dans l'ombre jusqu'au déclenchement du complot. Donc on se servait simplement de leur nom. C'est ça. Et puis, quand ça ne suffisait pas, on inventait. Et par exemple ? Je me souviens en particulier d'un type qui s'appelait Henroué, baron de Mervels. Grand mutilé de guerre, officier de la Légion d'honneur, croix de la Libération et j'en passe. Un personnage qui présentait vraiment très bien et qui faisait merveille dans les gentilhommières bretonnes. Seulement, ce type pittoresque s'appelait seulement Enroué. Ses décorations étaient bidons et sa jambe, il l'avait perdue dans un accident d'auto et non pas sur un champ de bataille. D'accord. Il s'agissait, enfin, pour ce personnage comme pour les autres, de recruter donc des souscripteurs. Tout à fait. De l'argent pour organiser les différents groupes de conspirateurs à travers la France. De l'argent pour acheter des armes, de l'argent pour le coup d'État. Et ça fonctionnait. Très bien. Les gars avaient même fait imprimer des bons de souscription. Pas très point dans un canton complet. Ah non, mais très convaincant quand il s'agit de faire la preuve de son honnêteté. Un papier, ça inspire confiance. Mais ils ne se sont pas limités à faire la tournée des hobros. Ils ont tapé beaucoup plus haut. C'est-à-dire ? Les industriels. Escroquerie ? Après avoir enregistré cette conversation avec M. X, j'ai effectué quelques vérifications. En feuilletant la collection du Monde, on trouve en effet mention d'une perquisition effectuée dans une imprimerie de l'avenue Gambetta à Paris. Des bons de souscription sont saisis, mais aussi des documents officiels falsifiés, ordres de mission, papiers à en-tête ministériels, etc. D'autre part, Georgette Elget, dans son Histoire de la 4e République, publiée chez Fayard, écrit, je la cite, « Les personnes compromises dans le plan bleu ont été le plus souvent victimes d'aventuriers de la politique sous prétexte de démanteler les réseaux communistes implantés dans les usines. Des sommes importantes ont été extorquées à des industriels. » Ces chefs d'entreprise qui ont craché au bassinet étaient parfois les mêmes qui, avant-guerre, avaient été ceux qui avaient financé la cagoule. Et comme parmi les vrais ou faux comploteurs, il y avait l'ancien cagoulard, il n'aurait pas été très difficile de frapper aux bonnes portes. Vous avez des exemples ? Oh, je pourrais citer un très grand constructeur d'automobiles. Je pense que vous n'aurez aucun mal à identifier. Ouais. Il y avait aussi un important fabricant de pneumatiques. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est facile de trouver de l'argent au nom de l'anticommunisme. Il existait d'ailleurs au sein des organisations patronales des responsables qui étaient chargés de distribuer la manne. Vous avez aussi évoqué les Américains. Bien entendu. Eux aussi ont donné au pot. J'ajoute, mais là je m'avance en tirant découvert, que j'ai toujours subodoré qu'il y avait une sorte de collusion objective entre certains communistes et ces gens-là. Soyez plus précis. Plus les communistes s'agitaient, et plus il était facile pour ces soi-disant comploteurs de recueillir des fonds. Et d'un autre côté, l'existence de ces comploteurs du plan bleu arrangeait bien le parti qui en faisait ses choux gras. C'est-à-dire qu'il en faisait un instrument de propagande. Bien sûr, c'était extrêmement mobilisateur de dénoncer la renaissance du fascisme. Mais naturellement, je n'ai aucune preuve. Je me contente simplement de constater. Ouais. En tout cas, si je vous comprends bien, ce complot du plan bleu a d'abord été une escroquerie. Exactement. La preuve, c'est que les conspirateurs ont été rapidement élargis. Et que ceux qui ont été jugés l'ont été par une chambre correctionnelle. S'ils avaient vraiment attenté à la sûreté de l'État, c'était devant une autre cour qu'ils auraient dû comparaître. Une haute cour ou le tribunal militaire. Mais que voulez-vous, pour la plupart, ce n'étaient que des naïfs ou des aigrefins. La correctionnelle suffisait. Bien entendu, je laisse à M. X la responsabilité de ce dernier propos. Il n'empêche que ce complot du plan bleu a durablement marqué les esprits. En 1949, par exemple, au moment du procès des conjurés devant la 17e chambre correctionnelle, l'Humanité titre encore « Oui, le plan bleu était bien une nouvelle cagoule ». Enfin, les gaullistes se sont crus, à tort ou à raison, visés par le pouvoir qui a largement exploité l'affaire dans la presse. Claude Mauriac, ancien secrétaire particulier du général de Gaulle, rapporte les propos de ce dernier lorsqu'il a appris cette affaire du plan bleu, une affaire qui pouvait apparaître comme une mise en cause du RPF. Je cite Mauriac, le ton du général est abrupt, méprisant et forcément gaullien. Il y a, sous tous les régimes, des imbéciles inoffensifs qui complotent. Le gouvernement le sait, il les tient à l'œil. Au besoin, il les met discrètement dans l'impossibilité de devenir nuisibles. Mais cette publicité, ces coups de gueule sont ridicules. On voit bien où ils veulent en venir, mais qui peut être dupe. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec X. Et si vous le voulez bien, vous pouvez m'écrire peno@radiofrance.fr.